écartez-vous, voilà les rois du bitume. Oh, reine à El Paso. Bim bam dans la rue toute la nuit, on dialogue et on négocie. À coups de latte avec les pacifistes, les lycéens et les écologistes. Oh, reine à El Paso. Les grèves et la contestation. Oh, reine à El Paso. Bim bam, lacrymo tire tendu, coup de bâton, coup de pied au cul.